L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. On savait l'univers peuplé de sortes de très vastes filaments de matière, ordinaires et noirs, entourant de grandes régions quasi vides. Ces régions vides ressemblent à des bulles pouvant atteindre plus de 150 millions d'années-lumière de large. Alors que l'on pensait que ces bulles de vide étaient statiques, suivant simplement l'expansion accélérée cosmique, eh bien il n'en est rien. Des astronomes ont découvert que les grosses bulles de vide grossissent et les petites rétrécissent. Diego Lambas, chercheur à l'université de Córdoba en Argentine, et son équipe ont découvert de grands mouvements dans ces bulles de vide en explorant les données du grand relevé astronomique SDSS, Sloan Digital Sky Survey, et en comparant les 245 vides cosmiques identifiés avec des simulations numériques antérieures. Ils trouvent que ces grandes bulles de vide évoluent à des vitesses entre 300 et 400 km par seconde par rapport à leur vitesse standard d'expansion cosmique, soit plus vite, soit moins vite. Et ce sont les petites bulles qui régressent, tandis que les grandes s'étendent. Les petites bulles de vide se trouvent être, pour la plupart d'entre elles, enfermées entre des zones de grande densité de matière, ce qui a pour effet gravitationnel de les faire se rapprocher entre elles et à terme disparaître. Les grandes bulles de vide, quant à elles, se situent plutôt entre des zones de relativement faible densité et se retrouvent étirées par la gravité de leur environnement. Les très grandes structures de l'univers ne se construisent pas seulement par la fusion des galaxies et des amas de galaxies, mais aussi par la fusion des bulles de vide. L'étude détaillée de l'évolution de ces vides, par exemple l'étude de leur vitesse, doit pouvoir donner quantité d'informations très utiles, notamment du fait que par leur quasi-absence de matière ordinaire ou noire, ces bulles de vide doivent connaître une physique très simple en étant dominées par l'énergie noire, qui est la cause de l'accélération de l'expansion cosmique et toujours mal comprise aujourd'hui. À n'en pas douter, les bulles de vide de l'univers sont des objets qui recèlent des secrets sur l'évolution non seulement des galaxies et de leur amas, mais aussi sur l'univers dans sa globalité. De vrais objets cosmologiques. L'article de Diego Lambas et ses collaborateurs est à paraître dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters. Il est accessible en préprint sur Archive, dont je mets le lien en bas de ce billet. Et j'ai tiré ces vidéos des simulations numériques et des visualisations des vides de l'article paru dans Nature News sous la plume de Ron Cowen le 15 octobre dernier, qui s'appelait « Vast Cosmic Voids Merge Like Soap Bubbles ». Bon, il faut préciser quand même que les bulles de vide de l'univers ne sont pas tout à fait analogues à des bulles de savon, dont les phénomènes sont un petit peu différents. Ron Cowen a été un petit peu vite là-dessus. Bon, allez, à très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr et ainsi que sur les plateformes PodCloud et iTunes pour récupérer ce podcast. N'oubliez pas que Ça se passe là-haut est candidat au Golden Blog Awards. Continuez à voter pour Ça se passe là-haut jusqu'au 26 octobre. Les résultats, quant à eux, seront annoncés le 10 novembre. Oui, pour voter, rendez-vous en haut, à gauche du blog, où vous verrez la bannière pour cliquer dessus. Merci encore à toutes et à tous. Restez bien les yeux au ciel et les pieds sur terre. Salut !